France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 147. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange n'importe nawak, le tout dans une farandole de volets sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 25 janvier 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami! Ce matin, dans Panique au Mangin Palace, avant tout, tu es totalement rassuré par cet homme qui vient enfin d'arriver. Service à commande, bonjour. Oui, ça y est, Obama a été investi, là. Oui, ça y est. Bon, et alors, en France, il va augmenter les salaires, là, c'est bon. Ben non. Ben, on l'a tous soutenu, quand même. Oui, mais il s'occupe des États-Unis, monsieur. Mais alors, on va tous crever. Ah ben oui, monsieur. Ah, merde. Ouais. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du joda Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama, modeste mais déjanté. Eh bien, comme d'habitude, nous débuterons par une petite messe laïque et freudienne, durant laquelle aujourd'hui nous croiserons pêle-mêle un cireur de pompe, une investiture en grande pompe et une pompe afrique. Ensuite, avec l'espoir de soutenir l'action du gouvernement, nous avons décidé ce matin de te prouver combien l'industrie bancaire est un monde merveilleux, toujours soucieux de bâtir une société géniale. Et puis, dans la nuit de jeudi dernier, le 23 janvier, à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, figure-toi qu'Alina, Salvador Dali, s'est emparée du sommeil de nos joyeux fantômes radiophoniques, provoquant chez eux des rêves surréels que nous te dévoilerons avec délectation. Dans la foulée, nous t'offrirons moult détails sur l'investiture de Jean-Claude mardi dernier en tant que 44e président du comité des fêtes de Grosboul-les-Bains après son élection triomphale en novembre dernier. Et puis, cette semaine, notre facétieux reporter est allé à la rencontre de l'anti-Paris Hilton, mademoiselle Dita Fontis, spécialiste de l'effeuillage et présente à Paris pour un sulfureux spectacle au Crazy Horse Saloon. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et garde des seaux pour le champagne. Step to the side. You've got to run and hide. More to the side. yeah, my phone went on. Hit the blast on the past thing he heard of. Me and the boys coming down with murder. And it's gotta be the way. Everybody wants to make a move, so just party. Or we can have a jam. So get your move on, I'ma take this groove and slam. Flip it how I want it, flip. From the back to the front when I drops me the manuscript. Cause I got the moves. And I'm always on the flow with the crazy, crazy grooves. Tell me, can it feel the math skills coming with the fever, fever, fever? Staying Alive, ce sont les Britanniques de N-Trance qui remixent les Bee Gees, car après avoir été en trance dans les années 90, à Wall Street ou à Paris, eh bien les bourses sont aujourd'hui aussi comprimées que dans le pantalon des Bee Gees. Soyez patient, ça va aller mieux. Mais quand ? Pas d'informations précises à ce sujet, à mon avis c'est pas pour après-demain. Alors, il est à présent 11h12, et le mieux, mon ami, c'est de te vautrer confortablement afin que nous entamions ensemble les modestes aventures de ce 147e épisode du Mangin Palace, où nous allons cuisiner pour toi et à notre sauce les actualités de la semaine. Et, comme le veut la tradition, débutons par une petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Beaujolais, le fiefé sacripant de nos coursives, avec qui nous avons une fois de plus essayé de démasquer l'inconscient du discours politico-médiatique du moment. Ainsi, découvrons ce cocktail détonnant, constitué ce matin d'un tiers de cireurs de pompe, d'un tiers d'investitures en grande pompe et d'un tiers de pompe à fric. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Voisin. Notre invité ce soir est Bernard Accoyer. Mais qui t'es, toi ? Le président de l'Assemblée nationale. La loi organique n'est-elle pas destinée à mater l'opposition pour l'empêcher d'exister ? La réforme constitutionnelle, voulue par le président de la République, annoncée pendant sa campagne. Eh, monsieur, je vais plier vos chaussures. Vous allez pouvoir vous coiffer dedans. Ça va être un vrai miroir. Va permettre aux parlementaires de mettre dans les textes ce qu'ils veulent. Mais pas de panique. Je bâcle pas le travail, moi. Continue à travailler. Dites après hier si tu la sais encore. La première secrétaire du Parti Socialiste présentait un contre-plan de relance pour lutter contre la crise. Parce que tu vas comprendre ce qu'il t'arrive. Martine Aubry met 50 milliards sur la table. C'est le double de ce que propose Nicolas Sarkozy en misant avant tout sur la relance de la consommation. Allons-nous être le seul pays, parce que le président de la République veut persister et signer dans une politique qui non seulement est injuste socialement... Mais toi, tu t'en fous, tu te la coules douce, hein ? ...mais est inefficace économiquement, à ne pas regarder la crise en face... Et ça, c'est pas juste ! ...je crois qu'il ne pourra pas continuer ainsi. Voilà, c'est lui ! Non, non, pas de fleurs, merci. Et vous ? Oui, je suis Superman, hein, l'homme de l'année, bien sûr. Il est de l'intérêt même des dirigeants des banques de mesurer la responsabilité qui est la leur. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'un héros peut être déchiré ? Alors que l'État les a soutenus, il me semble que suspendre les parts variables des principaux cadres dirigeants est bien le minimum que nous attendons d'eux. Le mec qu'ils attendent, c'est pas toi. The brothers all of us have been waiting for a bad, bad brother. I, Barack Hussein Obama, I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear that I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Oui, par Jésus, la terre, la lumière, de Barack Obama avait à peine commencé son discours que l'Élysée publiait déjà un communiqué de félicitations. Nicolas Sarkozy avait déjà déclaré avoir hâte de changer le monde, pas moins, avec le nouveau président américain. Avouez-le, la situation est un peu juste. Hein ? Et les banques hexagonales, elles, malgré la crise, restent largement bénéficiaires. La Société Générale a ainsi annoncé hier un résultat net de près de 2 milliards d'euros, 3 milliards pour BNP Paribas. Oh merde, je pensais pas que c'était à ce point-là. Ce qui ne va pourtant pas les empêcher de profiter de la nouvelle aide de l'État, 10 milliards et demi d'euros en plus des 10 milliards déjà débloqués. Fumier, va ! En effet, une nouvelle aide de l'État de 10 milliards 500 millions d'euros vient d'être débloquée pour les banquiers. C'est énorme. C'est d'autant plus étonnant que les grandes banques viennent d'annoncer leurs bénéfices pour 2008, qui se chiffrent également en milliards d'euros. Alors, tu l'as sans doute repéré, mardi dernier, les dirigeants de ces grandes banques ont été invités à l'Élysée par président Sarkozy, qui leur a gentiment demandé de renoncer à leurs bonus, c'est-à-dire à ces quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'euros qui s'ajoutent chaque année à leur salaire déjà mirobolant. Et oui, c'est ça, la moralisation du capitalisme libéral, faire confiance aux banquiers. Eh ben, ça promet. D'ailleurs, Christine Lagarde, notre ministre de l'économie et des finances, en a profité pour demander aux grands patrons de limiter eux-mêmes les dividendes versés aux actionnaires. Ah, cette Christine Lagarde, elle a une confiance absolue dans la finance. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Un peu d'astuce, d'espièglerie, mais surtout beaucoup de confiance naïve envers les banquiers et les grands patrons qui n'ont pas fait preuve d'un grand sens des responsabilités et qui nous ont offert la crise de ces mois derniers. Pourtant, il ne faut pas en vouloir à Christine Lagarde. Non, elle ne vit pas dans le même monde que nous et surtout, elle n'a pas les mêmes préoccupations. Ces histoires de découverts et d'interdits bancaires, ce n'est pas pour elle. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs. Plonger la main au plus profond d'un sac de grains. Briser la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère. Voilà. Et faire des ricochets sur le canal Saint-Martin. Voilà. Christine Lagarde, dans son monde merveilleux, fait des ricochets sur le canal Saint-Martin et surtout fait confiance au grand patron pour qu'il s'auto-régule. Ben voyons. Bon, à sa décharge, Christine Lagarde a toujours été fascinée par les Golden Boys. C'est gentil, ça me fait perdre la cervelle. Et mon désir grandit quand ils sont en ribambelle. Ah, mais cela m'excite, bien vite. Deux, ça fait quatre jambes, je plante. Pour varier mes émois, je les veux tous à la fois. Je les veux tous à la fois. C'est un peu comme les banquiers qui veulent à la fois faire des bénéfices et recevoir des aides de l'État. Christine Lagarde ne vit donc pas dans le même monde que nous. Ainsi, Christine déclarait en 2007, face à l'augmentation délirante du prix de l'essence, que les Français devraient se remettre au vélo. Et aujourd'hui, elle n'est donc plus étonnée de rien, ni des parachutes dorés pour des patrons incompétents, ni des délocalisations ou des licenciements pour des entreprises qui font des bénéfices. Non, tout ça, pour Christine, ce n'est pas une surprise. C'est drôle, je trouve tout merveilleux. tout me paraît différent tout à coup. Le jardin, le bleu du ciel, la mer. À la bonne heure. Il y a quelque temps, tu ne voyais absolument rien de tout cela. C'est vrai. Et aujourd'hui, je resterai des heures à admirer le paysage. J'aimerais que nous puissions faire une très très longue croisière. Ce serait merveilleux. Je crois de plus en plus qu'il n'y a rien au monde de plus grisant que les voyages. J'ai lu tous ces temps-ci beaucoup d'ouvrages sur la Grèce, sur Athènes, Corfou. J'aimerais tant aller là-bas un jour. Eh bien, allons-y. Ah, mais non! Y aller, ce n'est pas possible, car président Sarkozy a demandé à rencontrer officiellement les dirigeants des grandes banques afin de leur demander, s'il vous plaît, puisqu'on vous a donné des milliards d'aides publiques, ne pourriez-vous pas éviter, s'il vous plaît, de vous goinfrer avec votre bonus, s'il vous plaît? Oui, bon, je te vois venir, va. Mauvais esprit que tu es, tu dois te demander pourquoi aider des banques qui font des bénéfices. Eh bien, Nicolas Sarkozy a posé la même question à son ministre du budget, le fringant Éric Woerth, qui a eu quelques difficultés cette semaine pour donner des explications. Attendez, j'y comprends plus rien, là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête. Oui, bah, va falloir s'y faire, mon grand, c'est comme ça, ici. Vous savez si les indices du Nasdaq sont tombés? Oui, et ils confirment que notre courbe de rendement est tributaire des valeurs refuges et des règlements interbancaires. Oh, mince, je n'ai plus de mots économiques à leur dire et ils vont s'en apercevoir. Il faut vite que je trouve une expression professionnelle afin d'asseoir ma réputation au sein de l'entreprise. Bon, je vous écoute. Et si on commutait les ratios excédentaires des stocks options? Non, ça veut rien dire du tout, ça. Votre phrase n'a aucun sens. J'ai l'impression que vous êtes en train de le mener en bateau. Et si c'est le cas, c'est vraiment craignos. Ok, j'avoue. Je bluffe. Ah! Ah, j'en étais sûr, je le savais. Depuis le début, depuis le premier jour, je savais qu'il disait n'importe quoi. C'est dingue, hein, président, j'avais un pressentiment, c'est fou, hein. Un pressentiment, c'est fou, hein. Car aujourd'hui, au gouvernement, tout autant que pour notre président, le mot d'ordre est le même quand il s'agit du monde de la finance. Tout le monde, il est beau. Tout le monde de la finance, il est gentil. C'est même souvent un ami et on peut donc lui faire confiance. Il faut dire que dans cet univers merveilleux, toutes les situations, même les plus terribles, connaissent une fin heureuse. Paris, 1955. Si depuis longtemps l'abolition de l'esclavage a officiellement rendu la liberté aux millions d'esclaves hongrois de France, la ségrégation a pris le relais et coupe littéralement le pays en deux. Entre deux lynchages, les Hongrois de France expriment leur désespoir à travers le célèbre blues hongrois. Mère française et père hongrois, c'est dans ce contexte d'apartheid que naît Nicolas Sarkozy. Mais doté d'un charisme et d'un courage hors normes, le jeune homme parvient, à l'issue d'un parcours fulgurant, à devenir le premier président métis de l'histoire occidentale. Le symbole d'espoir est si fort qu'il enflamme toute la planète pour qui tout devient enfin possible. Et s'il a inspiré et ouvert la voie à d'autres, c'est bien Nicolas Sarkozy qui restera aux yeux de l'histoire le précurseur d'une humanité métissée et réconciliée avec elle-même. Une France métissée et réconciliée avec elle-même. Ouais, bon. Faut voir. Je suis stressé à mort à tout moment, faut faire attention. Le détail qui va changer ta vie, si tu loupes, ben t'es marron. Enfin marron façon de parler, car si on fait un peu attention, on voit bien que les couleurs foncées, y'en a pas des masses dans les environs. Les noirs sont dans le Cosby Show, les juifs chez Woody Allen. Les esquimaux sont dans les boîtes, les indiens dans les westerns. Moi je vis chez Amélie Poulain, mais il m'arrive jamais rien chez Amélie Poulain. Ah, quel monde merveilleux, où les banquiers renoncent à leurs bonus et vont devoir se contenter de centaines de milliers, voire de millions d'euros pour survivre face à la crise qu'ils ont eux-mêmes créée. Alors, pour finir, pour toi, le monde de la banque va-t-il vraiment changer? Eh bien, tentons une simulation. Salut. Bonjour. Bonjour, assieds-toi, tu vois. Je te tutoie, ok? Je tutoie un peu tout le monde, tu vois. Je trouve le tutoiement plus cool, tu vois, pour le feeling avec les gens. Oui, j'entends bien, mais... Mais pour mon prêt, qu'est-ce que tu envisages? Ami? Ah, j'ai des super bonnes vibes, tu vois, avec ton dossier. Je te prépare un plan, tu vois, avec un prêt à 30%, tu vois. Avec caution, sans apport. Je ne sais quoi dire. Je trouve ça hyper cool. Laisse tomber. Tu as un CAF. Crédit Agricole, c'est cool. Mais c'est quand même une banque. Pour le kawa, 300 balles. Je suis un peu short. I've always known since I was a young boy in this world everything's as good as bad. Now my father told me always speak a true word, and I have to say that is the best advice I've had. Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free. Whoa, like a hobo from a broken home, nothing's gonna stop me. Like a hobo. Some may praise you just to get what they want. And I said, Mama, I am not afraid. They will take what they will take. And what would life be like without a few mistakes? Yay! Like a whole. Like a hobo, autrement dit, comme un vagabond. C'est ce que nous précise ce matin Charlie Winston. Mais comme un vagabond à qui il faut tendre la main, c'est également ce que compte faire désormais Benoît XVI avec tous les intégristes catholiques, y compris les négationnistes. Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Alors maintenant, après avoir découvert à quel point le monde de la banque est une société géniale, la panique au Mangin Palace ouvre dès à présent à 11h28 sa singulière séquence consacrée aux informations du lointain. Avant tout, sache que le 23 janvier 1989, Salvador Dali cassait sa pipe suite à une défaillance cardiaque. Ainsi, dans la nuit de jeudi dernier, à l'occasion du 20e anniversaire de sa mort, nos joyeux fantômes radiophoniques ont vécu d'étranges phénomènes. En effet, alors qu'ils dormaient tous profondément, Salvador Dali, le peintre de l'onirisme, avait décidé de squatter leur sommeil paradoxal afin de se rappeler à leurs bons souvenirs. Alors écoutons avec attention ce récit surréaliste que nous raconte notre Bernard l'ermite planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, Dali est revenu. Jeudi, dans la nuit, pour fêter l'anniversaire de sa propre mort, Salvador s'est offert un voyage dans les rêves des habitants de l'INA. Première escale, chez ce cher Serge. Dali, j'ai appelé le maître. Mais lui, il m'a appelé maître aussi, Dali. C'est étonnant. On se rencontrait chez Maxime. Dernière fois, je l'ai vu avec Gala, qui vient de casser sa pipe. Il s'est levé, Dali, devant Gainsbourg, et il a dit « Oh, vous avez la chasse aux papillons !» Puis Dali se glisse dans l'inconscient d'André Breton, son vieil ami ennemi, qui, dans son sommeil, est plutôt gentil. Si, comme l'a soutenu Cravant, tout grand artiste a le sens de la provocation, il faut reconnaître que nul n'en a porté le goût plus loin que Dali, aussi bien dans l'art que sur sa personne. Il aime alors se montrer en public dans des costumes très choisis, mais sur lesquels, bien en évidence, 7 ou 8 mouches artificielles simulant à la perfection les vraies sont piquées. Excentrique et concentrique, monarchique et anarchiste. Dali n'a pas pu s'empêcher de se faire remarquer. Alors Breton lui demande de s'expliquer. Qu'a-t-il donc à faire dans les rêves des autres ? Parce que je suis un être surtout paradoxal. Alors je suis plein et je suis vide, puisque l'unique autoportrait que je peins de moi-même, je me représente absolument vide comme un gant. C'est-à-dire à travers les yeux, on voit que j'ai fait l'extérieur de moi-même. Et pour aggraver la situation, je suis en plus dévoré par des fourmis. Alors, croyant y trouver du réconfort et de l'insecticide, Dali se réfugie chez Gala, sa femme, sa muse, son dada. Gala, regardant Dali, en état d'antigravitation, au-dessus de son œuvre d'art. N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste. Plus de puissance paranoïaque critique. N'est-ce pas ? Non, je ne peux pas dire que je n'aime pas. Non, le village est gentil, là. Mais c'est l'intervention de cette grosse femme. C'est un petit peu... Enfin, c'est... Ça va très loin. Oui, mais si c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre. Et puis parfois, les rêves tournent au cauchemar. Salvador Dali s'est toujours déclaré totalement monarchiste, précisant qu'il voulait une monarchie absolue avec un roi sévère et autoritaire. Exactement. Il pensait qu'un régime démocratique en Espagne serait une erreur et il a donc soutenu avec ferveur le régime général Franco. Oui, monsieur, c'est moi qui le premier ai su faire la synthèse sur les rapports existants entre la masturbation et les carrières politiques. Voilà, c'est l'heure. Bientôt les dormeurs doivent se réveiller. Alors, Dali, tout doucement, se replie. Comme Dali est paradoxal, doit déclarer maintenant que la mort le séduit peut-être plus que tout le reste. De la folie, hein ? N'oubliez pas que c'est moi qui ai découvert comment rendre un homme impuissant en cachant ses chaussettes. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette formidable exploration onirique et poético-burlesque au cœur de l'inattendu. Mais bon, après le surréalisme, revenons immédiatement à l'hyper-réalisme, un tantinet cubiste, certes, puisqu'il est l'heure de nos actualités locales et foutraques. Voici donc notre décrochage régional, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Manchin Palace à 11h34, rejoignons immédiatement notre fantasque village fleuri où nous attendent Monique et Jean-Claude, le couple aujourd'hui le plus célèbre du pays de Grosboul, depuis que Jean-Claude est devenu le 44e président du comité des fêtes, élu triomphalement le 4 novembre dernier. Et c'est mardi, figure-toi, que Jean-Claude prenait enfin ses fonctions, une journée historique, car jamais à Grosboule, on n'aurait pensé qu'un jour, ce poste serait occupé par un type qui n'était pas de la région. D'ailleurs, l'arrivée du Jean-Claude à la tête de cette institution festive suscite de nombreux espoirs parmi tous les habitants du village. Ainsi, mardi dernier, jour de l'investiture du Jean-Claude, des centaines de personnes s'étaient rassemblées dès l'aube et tous les médias de la région s'étaient mobilisés pour couvrir l'événement. Aux quatre coins de la ville, la fête éclate comme une bombe. C'est un spectacle indescriptible. Le carnaval déferle dans les rues et la foule se rue en criant et chantant. Il faut la voir pour le croire. Et ceux qui le voient ne peuvent le croire. Et ceux qui le croient sans l'avoir vu sont comme ceux qui l'ont vu sans le croire. Quant à ceux qui ont cru le voir, on va bientôt les voir croire. Comme ceux qu'on a vu le croire vont croire le voir. Ici Europe numéro 12. Je ne sais plus ce que je dis et youpi ! Oui, énorme ambiance à Grosboule-les-Bains mardi matin, à quelques heures de l'investiture du Jean-Claude à la présidence du comité des fêtes. Et comment ne pas évoquer ici, parmi la foule des anonymes, la présence de Michel Thor, de Frédéric François et des frères Bogdanov. En coulisses, la nouvelle équipe réglait les derniers détails de la cérémonie. Il y avait là les plus proches collaborateurs du Jean-Claude, mais qui commençaient tout de même à flipper un peu devant la tronche du nouveau président. Dis donc, tu sues comme une saucisse, hein, Jean-Claude, t'es malade ou quoi? Non. Enfin, oui. J'ai arrêté de picoler depuis hier matin, Hervé. Puis une goutte d'alcool. Je sais, c'est dur de passer à la flotte, mais tu vas t'accrocher. Hein, Jean-Claude? Bravo, Jean-Claude. C'est très courageux et plein de bon sens. Hein. Et pour être franche, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde ici. Hein. Parce qu'après le déjeuner, vous étiez un peu lourd quand même. Ah bon? Ah, c'était même très, très, très, très lourd. Mais bon, c'est du passé, tout ça, maintenant. Oui. On a un nouveau Jean-Claude. Plein de tonus, d'énergie, de séduction. Oui, c'est marrant parce que dans l'ancien, il y avait déjà tout ça. Hein, mais... Oui. C'est comme si j'avais perdu un proche, ça me fait tout droit. Oui, devant l'ampleur de la tâche qui l'attend, Jean-Claude a décidé d'arrêter de picoler et Monique en est ravie, bien sûr. Cela dit, moins d'une heure avant le discours officiel de l'investiture, il restait deux détails essentiels du protocole à régler au plus vite. Le premier, d'ordre esthétique, contrariait vivement le Jean-Claude malgré l'avis de son staff. Vous seriez très potable sans moustache. Il faut raser, mon vieux. Mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Non, d'une pipe, ce n'est qu'une moustache. C'est quand même pas grand-chose. Merde. Attendez, tout va trop vite, là. Tout va beaucoup trop vite. Et si j'arrivais à me teindre la moustache couleur peau, ça se verrait moins, non? Non, ça restera toujours des poils et ces poils sont un danger pour la boîte. Ok, je m'incline. 10 minutes plus tard, la moustache du Jean-Claude avait donc enfin disparu. Bon. Ça, c'était fait, mais il fallait maintenant s'attaquer au problème du magnifique banquet prévu après le discours pour remercier bien sûr tous les chefs de clan qui avaient soutenu la candidature du Jean-Claude à la présidence du comité des fêtes. Et là, rebelote, Jean-Claude n'était pas du même avis que ses plus proches collaborateurs. De toute façon, ils viennent pas que pour bouffer non plus, hein. C'est un sommet politique. Ce qui n'empêche pas de bien recevoir. Non mais vous faites pas de cheveux là-dessus, j'ai compté 3 porcs par personne. 3 porcs? Attendez, je les connais les chefs de clan. Vous avez pas vu les bestiaux? Je vous garantis qu'ils viennent pas pour manger des fruits de saison. C'est pas faux, 3 porcs c'est pas mal. Ça fait que ceux qui en mangent que 2 peuvent en donner un, ceux qui en mangent 4. Non mais laissez faire, je connais les loustiques. Par contre, là où je suis un peu ennuyé, c'est que j'ai plus bien de budget pour les gonzesses. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais face aux chefs de clan, s'il y a pas des gonzesses... Eh ben, vous avez passé pour des... Pour des quoi? Eh ben pour des qu'on peut pas se permettre de passer pour. Bon, pour les gonzesses, on improvisera, conclut Jean-Claude, car ça y est, il était enfin l'heure de rejoindre cette foule en délire qui attendait que Jean-Claude prête serment sur l'almanach Vermeau, la Bible de Grosboule. Ainsi, à 12h03, d'un pas serein, le futur président s'avance alors sur l'estrade installée devant la roche tarpéienne de Grosboule-les-Bains, pas très loin du Capitole. Et à 12h08, Jean Hussein Claude prête serment et devient le 44e président du comité des fêtes. Dans la foulée, Jean-Claude prononce son premier discours officiel, inspiré par l'air du temps. Le rôle joué par les Afro-Américains dans l'histoire du pays a été largement diminué, pour ne pas dire totalement occulté. L'histoire telle qu'on l'écrit est une archive indestructible de notre passé. Mais le nœud du problème est, qui a mis ces événements par écrit? Si c'est Blanche-Neige, face de craie, visage pâle, le bon viking pur jus? On a quoi comme résultat? Jésus qui ressemble à un hippie en chemise hawaïenne. Mais si on avait demandé aux membres de la communauté noire d'écrire l'histoire... Yo, c'est là. Nous aurions enfin un Moïse qui ressemblerait à ce beau jeune homme noir qui est là. Ce discours de fraternité du Jean-Claude est acclamé, bien sûr. Et après le banquet officiel, la foule se prépare alors à acclamer Jean-Claude et Monique le long de l'avenue qui doit les conduire jusqu'à leur nouvel appartement de fonction où se trouve le célèbre bureau Losange. Mais la tension est à son comble car Jean-Claude décide finalement d'y aller à pied pour saluer tous les gros boulets. Immédiatement, les services de sécurité sont sur les nerfs. Contrôle poste, scène droite. Scène droite en ordre. Scène gauche. Scène gauche en ordre. Centre-scène. Centre-scène en ordre. Mezzanine gauche. Mezzanine gauche en ordre. Une arme. Ici contrôle sécurité, répondez, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Tout est en ordre. Prochaine alerte. Contrôle sécurité, ici Rennes. C'est juste un ballon qui a éclaté. C'est en ordre. Oui, bon, quelques baudruches ont éclaté, rien de plus, tout va bien. Jean-Claude et Monique saluent une dernière fois la foule avant de disparaître dans le hall de leur nouvel immeuble. Une journée historique. Cela dit, sur le palier de leur nouvel appartement de fonction, Jean-Claude constate qu'apparemment le précédent président du comité des fêtes, une crapule, n'a pas encore quitté les lieux. Oui, c'est à quel sujet? Au sujet, monsieur, vous êtes chez moi. Oui, je comprends, mais je vous prie de nous excuser. Nous avons un peu de retard. Ma femme a été malade, mais nos valises sont prêtes et on va s'en aller tout de suite. Certainement, ma femme aussi a été malade dans la voiture. Vous êtes en tort, monsieur. Vous avez dépassé 12 heures. J'aurais très bien pu arriver ici à 0h10. On aurait pu être là à 0h01 si on avait voulu. On pourrait pas vous chasser, là. Merci d'être sur la route. Merci, au revoir. Bien, je vous enverrai le volontaire. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez votre sac. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Tu vas voir que bientôt, ça va être de ma faute. Ah, regarde. Ils ont oublié leur Scrabble. C'est déjà ça de gagné. Oh non, t'exagères, là, on va leur rendre quand même. Hé ! Vous avez oublié quelque chose ! Merci beaucoup. Merci. De rien. Voilà, pour au moins 4 ans, Jean-Claude est désormais le nouveau président du comité des fêtes de Grosboule-les-Bains. Monique est ravie, Jean-Claude aussi. Cela dit, après une première nuit dans leur appartement de fonction, ils ont décidé l'un et l'autre qu'ils préféraient rester vivre dans leur maison. Fin de l'histoire. Au passage, dès mercredi matin, le président Jean-Claude a organisé sa première conférence de presse officielle pour préciser toute l'étendue de son programme et qu'avant tout, il va beaucoup consulter les partenaires régionaux de Grosboule. Alors, monsieur le président, est-ce que vous croyez que votre voyage à vous, que votre déplacement personnel peut contribuer d'une manière ou d'une autre à la détente ? Voilà, de toute façon, je ne peux rien vous dire. Non, mais enfin, un petit aperçu. C'est tellement bizarre. Non, mais rien qu'une... Personne ne sait. Oui, je sais bien, mais enfin... Non, franchement, je ne peux rien dire. Voilà, je voulais vous dire une bêtise. Oui, mais monsieur le président, en venant ici, vous avez bien une idée de derrière la tête. Enfin, vous allez chercher, comme tout un chacun, à établir un dialogue. Naturellement, de toute façon, je ne peux pas parler tout seul. Oui, ça me paraît évident. Sinon, on me prendrait rapidement pour un gâteau. Oui, ça sûrement. Enfin, je ne sais pas pourquoi on peut vous prendre exactement, mais en tout cas, vous allez essayer d'établir un dialogue est-ouest. C'est ça, oui, et nord-sud surtout. Nord-sud aussi, nord-sud, oui. Et si j'ai le temps, j'essaierai également d'engager un dialogue sud-ouest-nord-est. En diagonale. Carrément en diagonale. Ah oui, ça serait une innovation, quoi. C'est la première fois. Oh. C'est la première fois. Sud-est-nord-est, avec vent à tendance faible à modérée et pluie dans l'après-midi. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h43, après ce récit de l'investiture du Jean-Claude, il est l'heure de retrouver notre petit reportage Made in Panic, un peu particulier cette semaine, il faut bien le dire. Car voilà des mois que notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, nous tresse des louanges de mademoiselle Dita Von Teese. D'ailleurs, tu vas constater que notre facétieux reporter a pris sa voix de crooner pour l'interviewer, et on s'est bien marré au bureau, hein Julien? Mais alors, qui est-elle? Eh bien, c'est une pin-up américaine dans la pure tradition des années 50, une jeune femme qui fut aussi l'épouse de Marilyn Manson, la rockstar gothique. Et Mademoiselle Dita est présente à Paris à l'occasion d'un sulfureux spectacle dont elle est la vedette au Crazy Horse Saloon. Mais bon, nous sommes à la radio donc pas d'image. Encore que pour celles et ceux qui voudraient en voir un peu plus, nous avons publié une jolie photo sur le site internet de La Panique. Ainsi, juste après la virgule, découvrons cette spécialiste émérite de l'effeuillage, une authentique anti-Paris Hilton, en gros, beaucoup moins cruche, et ce n'est pas peu dire. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Ce dimanche, le luxe est glamour et la reine de ce royaume se prénomme Dita Vantiz. Bon dimanche, c'est Dita Vantiz dans Panique au Mangeant Palace. Waouh! En quelques années, cette américaine est devenue une icône belle, intelligente et drôle. Oui, l'ami, tu te dois de connaître Dita. Je vis entourée de luxe. Je suis très chanceuse. Mais mon plus grand luxe, c'est quand même passer des moments tranquilles, sans travailler. La vraie bonne nouvelle, c'est que Dita est en France pour un show d'exception au Crazy Horse. Je ne suis pas au Crazy Horse pour gagner des millions de dollars. Oh non, all my own numbers are all my. D'ailleurs, mes numéros ici me coûtent plus qu'ils ne me rapportent. It's cost me much more than I can ever make here, but it's. Mais je veux faire partie de ce show. I believe in this show, and I think. Le Crazy est un endroit historique que tout le monde devrait connaître. It's important. Nous avons demandé à un professeur de striptease d'être aujourd'hui avec nous. Il s'agit de Paul Halt, professeur de cette nouvelle science, le striptease. Oui, je suis professeur de striptease, mais ce n'est plus du striptease. Maintenant, nous faisons du glamour, nous faisons de l'érotisme. Le striptease, c'est un peu mort, monsieur. Le striptease, c'est une chose très ancienne, comme le glamour aussi, comme l'érotisme. Mais enfin, le striptease, c'est une forme de déshabillage qui s'appelle l'effeuillage, qui est terminé, c'est périmé. Do you like having men at your feet? Est-ce que c'est cool d'avoir tous les hommes à ses pieds? Do you feel that you have a strong? Est-ce que vous avez conscience de votre pouvoir? No, I don't really feel like I have this strong power. Je ne pense pas mener les hommes à la baguette. Says that I have, I think. I don't know. I'm not really. I don't buy into my own. Il ne faut pas croire tout ce qu'on dit de moi dans les journaux. Say, you know, a lot of people believe everything that's written about them, and I certainly just feel like. Je suis comme toutes les femmes. A girl like any other, and I have my same problems. Moi aussi, j'ai des problèmes avec les hommes. Than any other girl has. J'étais complètement à plat. Et ben, rien que de voir cette petite sautiller devant moi sur les pavés, ça a été une révélation. Et sais-tu ce que je vais leur donner? Non. Canaille pour millionnaire, l'aventure dans le confort, des tapes de guinguette avec des champagnes de marque et des flanflans de bastringues joués par des virtuoses. Tu ne peux pas savoir quel rêve pour les bourgeois que de s'attabler avec une gigolette sans risquer la vérole et le coup de couteau. Vous dansez, mademoiselle? Je ne suis pas celle que vous croyez. Edita n'est pas une stripteaseuse, mais plutôt une historienne de l'effeuillage, une performeuse débarquée des années 40. Un corps bien fait, certes, mais surtout une tête bien pleine. Aujourd'hui, tout le monde aime Barack Obama. Est-ce que vous êtes jalouse? No, I'm so happy. Non, je suis très contente. It's the first time that I've ever. C'est la première fois que je suis fière d'être américaine en France. It's a really exciting time. Ça change. For many years, it's a little bit embarrassing. Avant, c'était plutôt gênant d'être américaine. Faut surveiller ton poids. Riz complet et légumes verts. Et te mets pas au soleil. Je veux pas de marque de bronzage. T'es responsable de tes costumes et de ton maquillage. Tu les sors jamais d'ici. Et sous aucun prétexte, mais alors aucun, tu entres en scène en chialant. Tu manges bien du riz complet et des légumes verts. Bon dimanche, c'est Dita Vantiz dans Panique au Mangeant Palace. It's perfectly funny. Thanks. Ah, ce Julien. Et voilà, tu ignorais peut-être l'existence de Dita Vantiz. Mais désormais, tu sais que c'est l'héritière de Betty Page, cette pin-up américaine légendaire disparue le 11 décembre dernier à l'âge de 85 ans et qui fut un symbole puissant de la libération sexuelle. Au passage, sache qu'aux États-Unis, certains pouvoirs envoûtants de Betty Page ou de Dita Vantiz continuent d'intriguer les plus grands spécialistes. Pourquoi les femmes ondulent-elles des hanches en marchant ? La question a fait l'objet d'une importante et très sérieuse étude de l'école de médecine de l'Université du Texas. Réponse à cette question, il n'y a aucune raison physiologique qui oblige les femmes à marcher de cette manière. De nombreux films ont été faits à titre expérimental. Il résulte de leur observation que les femmes font de trop petits pas et serrent trop les genoux. Les hauts talons n'ont donc rien à voir dans l'affaire. L'un des médecins confirme, cette progression ondulante n'est certes pas naturelle, mais les femmes l'ont acquise contre elles. Et maintenant, les résultats des courses. La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour. La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour la baraka. Nul ne connaît son jour de chance, car le destin seul en secret ouvre le bal, mais ne la danse. Pour un jour, une heure ou jamais, la baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour la baraka. Moi j'y croyais sans trop y croire, quand tout à coup ça m'est venu, sans s'annoncer, sans crier gare, quand soudain tu m'es apparu. La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka, c'est notre vie que l'on brûle avec insouciance. La baraka, c'est rien que toi et rien que moi dans l'existence. Et nuit et jour quand tu es là, c'est notre amour. La baraka, c'est quand tu es entre mes bras que tu souris. La baraka. C'est ce que cherchait Charles Aznavour, qui faisait preuve en 1974 de grandes prémonitions pour fêter la victoire d'Obama, mais il n'était pas le seul. Obama, ma, pousse l'ananas et moule le café. Obama, ma, tape la poire, pousse l'ananas et moule le café. Obama, ma, pousse l'ananas et moule le café. Alors maintenant, à 11h52, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Manchin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Manchin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade? Eh bien, dans la presse, cette semaine, j'ai été émerveillé. Émerveillé par l'attention portée à la francophonie, à sa beauté, mais surtout à ses pièges. Ah. Alors, par exemple, le magazine Valeurs Actuelles s'est fait piéger par un illustre défenseur de la francophonie, Otto de Habsbourg. Mmh. Ah oui, à Valeurs Actuelles, vous les connaissez, hein, ils sont tellement conservateurs, ils se sont dit « Voilà, cette semaine, pour le portrait, la coco, on va faire un mec, on sera tranquille avec lui, bien réac, Otto de Habsbourg, ce sera parfait. » Eh bien, pas du tout. Ah. Non, alors je vous le rappelle, hein, Otto de Habsbourg, oui, n'est rien, il n'est rien de moins que l'héritier de la maison d'Autriche, qu'il a connu l'empereur François-Joseph, il a connu le mari de Sissi. Il était présent en 1916 au couronnement de son père, l'empereur d'Autriche Charles Ier, et de sa mère, l'impératrice Zita, qui se faisait couronner roi et reine de Hongrie. Il a donc traversé le siècle, il a fui l'Autriche au moment de l'Anschluss, fervent partisan de la construction européenne et de la francophonie. Et aujourd'hui, à 96 ans, qu'est-ce qu'il va déclarer à Valeurs Actuelles? Il dit que ce serait cool qu'on intègre la Turquie dans l'Union européenne. Hey. Alors, ouais, vous imaginez le patron, là, le patron de Valeurs Actuelles, Dassault, le spécialiste des avions et de la presse à réaction, il a failli s'étouffer en lisant ça dans son canard. Il y a de quoi en perdre son latin. Et d'ailleurs, en parlant de latin et d'auto, Philippe, oui. Connaissez-vous le nom du 4x4 que vient de sortir Renault? Ah non, j'ignore. Eh bien, leur gros nouveau machin là, pourri et polluant, ils l'ont appelé le 4x4 Koleos. Et en ce moment, il y a plein de sites internet comme Le Poste qui mettent le doigt sur une petite faiblesse du marketing de chez Renault. Mm-hmm. Ça veut dire quoi, Coléos ? Ah, j'ignore ça aussi. Eh bien, j'ai été vérifié, j'ai sorti mon gaffio, j'ai cherché, j'ai trouvé. En latin, Coléos, ça veut dire testicule. Voilà, Renault confirme que le 4x4, ouais, c'est un truc pour les couillus, quoi. Bon, ils auraient quand même pu faire attention. Alors justement, à propos de l'attention que l'on doit porter aux mots, le quotidien Libération de ce week-end nous propose une interview très intéressante de Georges Lebouc, philologue et professeur honoraire à l'Institut supérieur d'études sociales à Bruxelles. L'article est accompagné d'une photo de Georges qui, effectivement, porte le bouc. C'est important de le dire. Il nous parle de son dernier ouvrage intitulé « Dictionnaire érotique de la francophonie ». Alors, qui apprend-on ? Eh bien, à la question de savoir qui a le plus de mots pour désigner la chose, Georges Lebouc répond indubitablement, jeu de mots, « Ce sont les Québécois qui ont 9 mots pour désigner le sexe de la femme et 18 pour le sexe de l'homme ». Personnellement, j'aurais pensé qu'il y en avait plus. Donc, chacun, chez soi... peut essayer de faire la liste des mots qu'ils connaissent. Mm-hmm. Je trouve que c'est une très saine activité pour le repas de famille du dimanche midi. Voilà. Alors, le mot le plus courant pour désigner le membre viril chez nos cousins québécois, c'est picette. Picette. Un hommage au sacre de Napoléon. Alors, qu'a déniché Georges Lebouc pour son dictionnaire érotique ? Oui, très classe. En deuxième place, pour la richesse du vocabulaire biroutique, ce sont les Ivoiriens. Donc, c'est pauvre, l'Afrique est toujours en pointe pour la francophonie. Énormément de métaphores. Ainsi, en Côte d'Ivoire, le champ lexical des aphrodisiaques vient de l'univers de l'automobile, avec des accélérateurs, des chargeurs de batterie, des démarreurs. Bientôt, ils vont avoir des 4x4, évidemment. Alors, pour le kiki, là encore, l'Afrique est fortiche. Le kiki. Kiki, ouais. L'Afrique est fortiche, nous explique Georges Lebouc dans Libération. C'est un bazooka au Sénégal, un barreau en Côte d'Ivoire ou encore un ambassadeur au Congo-Kinshasa. Et pour terminer l'interview, Libé nous met en garde contre quelques faux amis, c'est très utile. Alors attention Philippe, j'ai besoin de votre aide, mise en scène. Voici votre texte, je vous le passe. Vous pouvez jouer, s'il vous plaît, le rôle d'un professeur d'école à Montréal en train de morigéner son élève turbulent. Nous vous écoutons. Tabernacle, mais vas-tu donc arrêter de te branler ? Voilà, tout le monde l'aura compris. Le message est clair ici. Vas-tu t'arrêter de t'agiter garnement ? Philippe, vous voyez donc l'importance de la justesse des mots. Ah oui. Tenez, par exemple, en ce moment, là, pendant que nous parlons, en Suisse, un pays pourtant connu pour son calme, eh bien, la caquette s'agite. Alors, il s'agit bien entendu de la corbeille pour faire la quête à l'église. Voilà ce que c'est une caquette. C'est très important, le sens des expressions. Autre exemple, il faudrait expliquer à notre président ce que signifie exactement l'expression « être au-dessus des parties ». Ce n'est pas du tout un truc de zizi et de pilou-pilou. Ça veut simplement dire se détacher un peu de l'UMP et d'oublier 2012 sous peine de nous casser les coléous. Bon, vous avez bien compris, Philippe. Oui, je vous vois branler du chef. Il n'eût donc pas fallu ce que je développe plus. Merci, Monsieur Maudit, pour cette formidable revue de presse. À la semaine prochaine, cher ami. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 147e épisode. Tout le monde descend. Faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était les actualités revues et corrigées par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès le week-end prochain, le samedi et le dimanche, à 11h et en direct sur France Inter, pour de nouvelles aventures archi-loufoques et total foutraque, bien sûr. Panique au Mangin Palace, c'est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci beaucoup, Xavier. Au platine, il y avait H2M, bien sûr, Henri-Marc Mutel, assisté aujourd'hui à la technique de Pascal Baldassari et de Cédric Lalanne. Merci beaucoup à vous deux. Pour tous les clips sonores, je dis merci beaucoup à Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Marie Berthoumieux. Merci beaucoup à Thierry Dupin pour les disques et à Olivier Lefaillère pour ses idées complémentaires. Merci aussi au formidable documentaliste de Lina. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et sa propre recette du crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès samedi prochain à 11h pour le Ministère Psychique et en direct dimanche, toujours à 11h sur France Inter pour un nouvel épisode du Mangin Palace. Mais en attendant d'ici là, un seul mot d'ordre, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On dirait que c'est la fin. Attends un peu, c'est moi qui suis le chef. Je dirai quand ce sera la fin. Ils couinent encore, ces salauds-là. C'est la fin.